rire des violons sans parole. Et des agressions sans acte. De la haine qui s'envole. Brise les serments et les pas. Il y a des cris dans le silence. Des hurlements dans le noir. De la colère même en l'absence. De véritables désespoirs. De lumière, étrange mais silencieux univers, il a de sombres artistes. Cherche à nous éprouver. Sous un voile de rayons factices, nous plonge dans l'obscurité. Il est de terribles précipices. De noirs habits où l'on chavire. Où l'écho de nos supplices n'est pas ce qu'il y a de pire. Mais il y a derrière océan de joie à en bannir la peur, des rêves éclatants de lumière, d'étranges mais silencieux.